to me, slavé. Tchop, tchop. Je raconte tous mes slavés. Toutes mes parties pour moi. Tous les jours c'est mardi. Y'a pas d'interdit. Je rappe. Je raconte tous mes slavés. Toutes mes parties pour moi. Tous les jours c'est mardi. Y'a pas d'interdit. Je rappe. Je raconte tous mes. Je raconte tous mes. Je raconte tous mes. Je raconte tous mes. Je raconte tous mes slavés. Toutes mes parties pour moi. Tous les jours c'est mardi. Y'a pas d'interdit. Je rappe. Ma maladie, c'est le rap. Je t'explique la chose. Partie de 4 ans, elle m'attrape la matinée. Tu résides sur les chutes de la maîtresse pour voir son string accessoirement et des cris s'écrit dans mes textes. À 6 ans, ma peur pour poser sur ma première top. Si ma putain me retrouve déjà pourrée dans ma première fête, ouais. À 8 ans, j'étais bien sûr, mais le premier speech. C'est comme ça que j'ai bien sûr eu ma pute à première bitch. Yo, j'ai fait tout ce qu'on fait dans le hip hop. Donc si tu veux m'avoir, fais dans le swing ou le bebop. Le fake, j'ai plus pute que toi, t'es l'antidote. Pas besoin de psychotrope. Pour que les mots te disent NAT. J'raconte tous mes slavis. Toutes mes parties pour moi. Tous les jours c'est mardi. Y'a pas d'interdit. Je rappe. J'raconte tous mes slavis. Toutes mes parties pour moi. Tous les jours c'est mardi. Y'a pas d'interdit. Je rappe. J'raconte tous mes. J'raconte tous mes. J'raconte tous mes. J'raconte tous mes. J'raconte tous mes slavis. Toutes mes parties pour moi. Tous les jours c'est mardi. Y'a pas d'interdit. Je rappe. Tu vois le beat chaudi, vois quand je le nique chaudi. Vu comme je trick chaudi, pour ma part de petite sortie. Là-bas je l'amortis, la canne la casse rurti. Faut comme cesser de comme l'un des maîtres s'afterti. Je suis trop crade porky, les meufs me craignent partout. Jusqu'en Ukraine, tu sais très bien que je les traîne partout. Yep, yep, tu connais mon emblème garçon. Pour atteindre mon niveau, faut que la vie tu gagnes de même façon. Si je te scène passant, c'est comme au Del Paso. Ça arrache la gueule, ça surprend comme un sale travelo. Yep, yep, qui s'en fout, snap et un sable. Mais dans de on fait passer ça de trucs salauds. Ton sale n'est pas long, laisse pas aller talon. Le strass n'est pas mon truc, c'est plus pour les tasses comme as. Yep, yep, yep, yep. Je raconte tous mes slavis. Toutes mes parties pour moi. Tous les jours c'est mardi. Y'a pas d'interdit. Je rappe. Je raconte tous mes slavis. Toutes mes parties pour moi. Tous les jours c'est mardi. Y'a pas d'interdit. Je rappe. Je raconte tous mes. Je raconte tous mes. Je raconte tous mes. Je raconte tous mes. Toutes mes parties pour moi. Tous les jours c'est mardi. Y'a pas d'interdit. Je rappe. Tu break sur mon son. Everyday. Tu break. Tu break. Tu te clap. Tu break. Tu break sur mon son. Tu le sais. Tu break. Tu break. Bouge ta chatte. Tu break. Tu break sur mon son. Everyday. Tu break. Tu break. Tu te clap. Tu break. Tu break sur mon son. Tu le sais. Tu break. Tu break. Bouge ta chatte. Je raconte tous mes slavis. Toutes mes parties pour moi. Tous les jours c'est mardi. Y'a pas d'interdit. Je rappe. Je raconte tous mes slavis. Toutes mes parties pour moi. Tous les jours c'est mardi. Y'a pas d'interdit. Je rappe. Je raconte tous mes. Je raconte tous mes. Je raconte tous mes. Je raconte tous mes. Je raconte tous mes slavis. Toutes mes parties pour moi. Tous les jours c'est mardi. Y'a pas d'interdit. Je rappe. Je rappe. Je rappe.